Bonjour et bienvenue pour ce premier apéro original. Les gens qui mangent des chips. On va manger des chips. T'entends ? Il y a une bière sur la table. Non, je tiens à Mananus. Les cons entre potes et de s'enregistrer parce que c'est marrant. Alors ça, c'est très tordu mais bougrement intelligent. Merci, inspecteur Gadget. Allez, viens. On est bien. Oh, là, je suis bien. Oh, je bouge plus. Oh, je ne bouge plus. Oh, je bouge plus. Oh, je bouge plus. Oh. Ah. Salut. J'étais une seconde avance. Salut. Mauvais départ. Faux départ, on peut le refaire. Ah oui, le Podrein. Quel rapport avec Podrein ? Non. Alors, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Apéro Original, la session numéro 12 intitulée 12e distingué. Douzième, alors attends, c'est quoi ? Distingos natif à base de clopipo. Ah, voilà, là une chose qu'elle est bonne. Je suis Asto, ou Astos natif, comme vous le souhaitez. Et autour de la table avec moi, on va faire dans le sens tournant des aiguilles d'une montre. Monsieur Tocheux. Adichatz. Monsieur Azertov. Foucault, c'est moi. Monsieur David. Salut. Monsieur Gandalf. Bonjour. Monsieur Pépé. Bonjour. Et monsieur Jonjon. Salut. Au cours de l'émission, on aura donc, selon mon conducteur, hein, natif. Il y aura donc une présentation de contenu qui est en cours, mais sur base de Clopipo. Il y aura un dossier de Gandalfos natif sur une couche de Clopipo. Oui. Il y aura des questions aux invitos natifs. Les meilleurs. Il y aura un quiz à base de Clopipo, de Tochos natif. Et une musique de moi-même sur fond de dégustation de Clopipo. Et ah, il y a un petit mémo, je vois, un petit mémo, oui, qui dit je suis con. Alors je ne sais pas. Et c'est bien parce que. Il n'y a pas de bouteille de Clopipo. Bah, c'est ça, il n'y a même pas du Clopipo sur la table. Si vous vous retournez, il est aéré depuis une heure. Ah, il est bien respiré. Ça fait plaisir. Il s'aère. C'est de la merde. Encore. Je vous avais dit qu'il fallait pas l'inviter. On va du coup commencer. Merde, j'ai dit du coup. On peut la refaire ? Non. Ah non. On recommence tout depuis le début. Une bière à chaque du coup. On va commencer par décapsuler des bières. J'ai eu peur. Enfin, pour conclure, je dirais que la règle numéro 1 dans un deal, c'est de ne jamais goûter. On va goûter. Pouah ! Elle est folle ! Oh ! Ah, j'ai faim ! Ah, j'ai chaud ! Ah, j'ai froid ! J'ai soif ! Allez, venez, on va au fil, les gars. Alors, on décapsule avec quoi ? Avec un décapsuleur. Oui. Ah, le décapsuleur ! Je m'en suis chargé pour aujourd'hui, parce que je sais qu'on est tous des petits geekos, on aime bien. On est des geekos. On aime bien les séries, on aime bien être des nerds. Je vous ai mis un petit décapsuleur d'Alec. Alors, comment ça se passe ? Comment il va commencer ? Alors, tu donnes à Asto. Et j'ai fait la présentation des invités dans le sens des aiguilles d'une montre, donc on va partir dans l'autre sens. C'est bien, je sais pas comment ça. Ah si, on s'en sert comme ça. Ok. Allez. Alors, pour moi, j'ai pris une petite bière. C'est une Carl Strauss Mosaïque. C'est une IPA qui est fait à San Diego et qui devrait me donner des bons goûts de fruits tropicales, de citron. Et on va s'ouvrir ça tout de suite. Ah, ouais. Ça c'est corpo, ça, s'ouvre ça tout de suite. Oui. Bon, ton décapsuleur est sympa, mais c'est pas le plus pratique du monde. Il fait chaud au-dessus du matériel. C'était pour toi le décapsuleur, je vois, heureusement. Eh ben, je vais t'offrir ton décapsuleur de suite. Pratique sur 20. Il y a une légère éclaboussure. La petite serviette. Le serviette tout. au-dessus du matériel, attention, bien joué. Ah, bah, toujours. Je donne, hein. Il doit servir dans 15 jours celui-là. Pourquoi il y a quoi dans 15 jours? Qu'est-ce qui se passe dans 15 jours? Je sais pas. C'est pas un truc à Je sais pas, j'étais pas là. Il y en a qui est parti par terre. C'est bon. C'est probable. Donc, ben, je te donne sur un décapsuleur. Eh bah écoute. Profites-en. Alors, je sais même pas comment s'appelle cette bière. J'ai demandé à Asto parce qu'il en savait plus que moi. C'est un peu bizarre. C'est la Blue Amon bière. La Blue Amon bière. Alors, c'est une espèce de bière, un petit peu comme aux États-Unis quand on boit de l'alcool en public, on est obligé de mettre du papier craft autour. Il n'y a pas d'étiquette sur la bouteille. C'est juste une espèce de papier pour les oranges dans les caisses d'oranges. Alors, c'est du 7 degrés, il me semble. Ouais, c'est ça. J'aurais jamais dû prendre ça. Les femmes enceintes, interdites aux femmes enceintes, comme d'habitude. La Toshu Mobile. Aucun de... Non, tout se passe bien pour la Toshu Mobile. Ouais, pour l'instant, voilà. Je vais enlever le petit papier. J'ai l'impression d'être à l'aise, d'accord. Je me demande ce qu'il y a dedans. Une bouteille d'Evian, oui. Une bouteille d'Evian, fait chier. Bon, bah voilà, on va goûter. Ça va être casse-cou, je vous le dis. Je vais passer le décapsuleur du destin à notre petit David, qui... Qui n'est va pas vous très dire bière. Tellement de choses sur la bière qu'il a envoyé. J'ai hâte de voir sa présentation de la bouteille. Ah putain, je savais même pas qu'il fallait. Alors, elle est rose. Il y a du papier dessus, moi au moins il est collé. Bon, elle est pas très forte, hein. 2% et demi, ça va. 25 centilitres que je ne finirai jamais. Mais sûrement très sucré. Oui, elle est extrêmement sucrée. C'est à la framboise. La plus sucrée de Je vais goûter ça parce que j'adore le sirop contre la toux. Ça a l'air vachement bon. J'adore ce truc. Est-ce qu'à la fin d'enregistrement, il y aura encore des piles de ce truc? Sinon, alors j'ai dit à Zertov, t'es sûr que j'en mets? T'es sûr? Mais oui, ça va leur casser les couilles. Ouais, mais j'étais déjà là. Tiens, tiens Jean-Michel. C'est quoi Jean-Michel. Oui, alors Jean-Michel Apathy. Jean-Michel Apathy. Marine Le Pen, bonjour. Mais c'est pas lui, Marine Le Pen. Enfin, tu comprennes au bout d'un moment. Non, mais je m'en fous. Il a fait. De toute façon, elle fait tous les médias. Le premier qu'elle y passe. Il confond tout. Donc, alors moi, c'est une pirate avec deux A. Tu vas être cuit, toi. Mais c'est une pas une pirate normale. C'est une pirate triple hop. C'est-à-dire qu'elle fait trois sauts. Et derrière, je crois qu'il y a, c'est même pas écrit. Ah si, la pirate triple hop est une bière équilibrée au caractère de houblon prononcé en raison de l'ajout de quatre sortes de houblon. Donc, il marque 3, bien marqué 4. On va comprendre. Durant le processus de brassage, bien évidemment, parce que s'il les mettait à côté de la bouteille quand c'était fini, ça sert à rien. C'est la même bouteille que Pépé. Je pense que t'as la même Pépé, mais t'as enlevé l'étiquette pour te baiser. Oui, c'est la bouteille, c'est Duvel. Ouais, c'est la bouteille. Chimay aussi, je crois. J'aime pas ces bouteilles-là. Chimay. Mais c'est ça. Donc c'est une 33 et elle fait 10 5 degrés. Oh, dis donc. T'as attaque forte. Ouais. Tu fais des crescendo ou... Crescendo. Crescendo. Mais au fait... Et après, il va passer à la prune. Rappelle-toi Noël dernier. Mais au fait... Souviens-toi Noël dernier. Mais au fait, dans la panthère rose. Trop premier joke. Ouais. C'est mieux, c'est toujours le même. Bah, qu'est-ce que tu crois? Je le donne à mon ami. C'est un truc fait en Chine. Hein, ouais. Bah, quand tu l'avais fait tester, il y avait d'autres trucs. Non, il y avait que ça. Il y avait que ça? Ouais. Ah, il est mono. Tu devais être bien bourré déjà. Ah, c'est déçu, non? Bien cramé. Ouais. Bonnes idées de merde quand même. Hein. Alors moi, c'est une Mikkeller Ordaï, donc c'est une American Dream. Il n'y a pas d'info en fait sur la Toshu Mobile ou sur la Madame avec l'alien dans le ventre. Donc c'est une Mikkeller, donc c'est une craft beer, une collaboration. C'est une merde. Non. Entre donc Mikkeller et la brasserie, je l'ai plus, je l'ai vu. Je ne connais pas. Poif Brewed. Quel bel accent requis. Ouais, c'est ça. Donc, c'est une Pilsner Style Beer. Elle est à 11,2 FL OZ. Donc, oh merde. Je sais pas ce que c'est. J'ai oublié de dire le code barre aussi. Ah, tu aurais pu. Et je vais donc décapsuler ça tout de suite en foutant partout. Sur ce cheveu. Comment il fait le docteur pour supporter ça tous les jours? Voilà. Ça, mais il le fait pas tout le temps. Pas tout le temps. T'as, vous êtes des vrais risques. Très, très beau, sa bière aussi. C'est une très beau jus de verser au-dessus de ton kel. Quand tu sais verser, c'est bon. Ouais, d'accord. Là, justement, t'as pas l'air. Bah, non. Là, c'est le verser. C'est le verre. C'est à moi, du coup. Bah oui, c'est à toi. Allez. Ah, oh, bah déjà, il ne cassera pas les couilles. Ah, ben. Bah non, non, lui il a son décapsuleur. Non, mais moi j'ai mon truc à moi. On fera le bruit à la bouche. Vas-y. Tu fais un meuf. Alors pour moi c'est une pale ale de chez Flying Dog qui s'appelle la Doggy Style qui est brassée à Frédéric dans le Maryland. Comme j'en connaissais pas plus sur cette bière, je suis allé voir sur leur site. Et c'est une bière brassée sur une base de malt Karastan et aromatisée avec des houblons américains, Northern Brewer et Cascade. Voilà, elle n'est pas hyper forte, elle est à titre à 5,5 seulement. C'est interdit aux femmes enceintes. La bouteille fait partie d'un plan totalement recyclable. Et la bonne nouvelle, c'est qu'a priori, il n'y a pas de restriction pour la Tocho Mobile. Voilà, voilà. American Tocho Mobile. L'American Tocho Mobile. Et je passe mon décap exceptionnellement. Non, moi je veux l'extermination. Hein. Je veux l'autre décapsuleur. On va faire un double décaps. Ouais. Ah, attends, si tu veux, on peut faire ça. Hein. Non, ça marche pas. Vas-y, il faut du métal avec. Il faut du métal. Ouais. On sait comment ça marche. Merci. JPP. Et donc, moi, je vais finir cette présentation de bière par une American Pale Ale de l'effet papillon, donc une brasserie locale, puisqu'elle est située à Mérignac. Donc, c'est une craft beer locale. Locale, cool. Ok. Oh, attends. Oh, mais dis donc. Putain. Qu'est-ce qui se passe? Petit coup de mou. Il marche avec son maître, celui-là. Petit coup de mou, j'ai pas suffisamment dormi, donc. Ah, toujours en coup de mou. Tout le monde ne peut pas dire ça autour de la table. Ouais. Il y en a qui prennent de l'avance. Ouais. Tricheur. Ah, ça va. Je vous ai emmené Pépé, j'ai le droit de dormir. Ça, il m'a pas touché les le devoir du. Lui, il m'a pas touché les cuisses. Ouais. J'ai touché que ton cheveu. Bon, bah, à la vôtre, les, ouais. Les copains. Chine, hein. Prosit. Chine. Mais santé, c'est bon, on est pas santé, c'est pas mal. Allez-y, les nativos là. Allez, aux nativos, aux podcastos et à l'argent. Mais on n'a pas dit où on était. Ah non, oui, où est-ce qu'on est ? Non, parce qu'en fait, j'avais une idée de présentation, mais c'était un truc basé sur la délocalisation. Parce que ça coûtait moins cher, et puis le fait de sous-traiter un petit peu, parce qu'on fait faire des dossiers. Allez, je vous avais dit, on aurait ice contact. J'avais pas plus de blagues, donc j'ai abandonné. Ouais, on sait toujours pas où on est. Non, c'est spécial. Spécial comment ? Un peu sucré, un peu trop sucré pour moi. Douce, mais elle est douce, c'est ça qui est. Ouh, ça, en effet, on l'a validé. Ça, c'est un goût de traître, ça. Pour cet enregistrement, j'ai ton chemin, par exemple. Ça, c'est de la bière qui pourrit. Du côté de Bordeaux. Quelque part, du côté de Bordeaux. Oui, c'est la Martignat-sur-Jal, hein, c'est pas un secret. Hein. Alors, on peut donner l'adresse, la rue et tout. C'est pas comme si on était en direct. Le digicode. Franchement, moi je crains personne, hein, même pas Dupont-Moretti. Bien, ça tombe bien. Vas-y, c'est bon, on l'a déjà fait. Parce qu'il est dans le panier de ton chien en dans son moment. Ah, c'est pour ça que le chien il pleure. Donc, le pauvre d'aller. Après, roule avec moi, habite avec moi. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit déjà sur le truc? Ah, on avait dit dossier de Gandalf. Ah, déjà, d'entrée de jeu, l'espoir pris. Eh ben, au mois prochain. C'est parce qu'on garde le meilleur pour la fin. Oui. D'entrée de jeu, c'est l'espoir pris. Ouais. Toujours. Dossier de Gandalf qui s'appelle La course à l'espace. Oui. Voilà. Ah. Ma main a coupé, ça va encore tourner autour du trou de balle, cette histoire. Un peu, ouais, c'était peut-être aussi pour ça aussi que j'ai voulu parler de la course à l'espace aussi, parce que il y a très peu longtemps, donc c'était quand fin février. Ouais, c'est possible. Ouais. En fait, notre ami un petit peu mégalo, ex-propriétaire de PayPal, qui fait des voitures avec des grosses batteries dedans, a décidé de faire un. Ce qui était à la base, c'était un coup d'essai d'ailleurs, c'était pas prévu que ça. Il était pas sûr de son coup. Ouais. Il était pas sûr de son coup. Ouais, je sais pas s'il a pas fait un peu d'intox quand même. On sait jamais, avec Columbia, on sait jamais. En fait, il a fait partir une fusée, et puis bon, après, elle a atterri, elle est revenue, elle a fait un créneau. Hop, Elle a fait un rangement en épi. Elle a fait un rangement en épi, elle a eu le code avec Mathieu. Voilà, voilà, voilà. Conduite écologique. Conduite écologique, tout ça. Bon, il y a une qui a un peu loupé la barque. Hein. Mmh. Bon, elle a dû choper 2-3 migrants en passant, c'est pas grave. Mais bon, bref, passons. Donc voilà. Donc, et comme j'avais fait la dernière fois, j'avais fait le communisme aussi, j'en avais un petit peu parlé. C'était bien le communisme. Ah, le communisme, c'était bien. Tu vois, tu es. Fais gaffe, tu tournes coco. Ah, je te raconte toi. Tu viens de dire qu'il avait fait un dossier bien. Ouais, il était bien. Tu vas avoir un gros bout rouge. Juste après avoir dit, oh non, on commence déjà par son dossier. Ouais. L'ascenseur émotionnel, mais dans le bon sens. Ouais. Donc en fait, je voulais vous parler de la course au Renault Espace. De la course à l'espace. Pardon, excusez-moi. J'ai vu que tu avais fait la vanne. Oui, bon, bah, en même temps. Quelle balle de plus merdique que celle-là. Et juste avant de commencer, donc, je voulais repartir aux prémices de ce qui était la spatialité, comme on pourrait dire. Parce qu'avant, on se rappellera que bien avant que les Allemands s'y intéressent pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était un petit loisir de petits jeunes qui s'amusaient à faire des roquettes au fond du jardin. Mmh. Ils restaient assez longtemps comme ça, d'ailleurs. Et c'est plus spécifiquement tout ce qui était les Allemands qui se sont penchés pendant la Seconde Guerre mondiale, avec plus spécialement le missile V1. Qui était pas top, hein, faut dire. C'était une espèce de d'avion que c'était, mais qui bien mais pas top. Ouais, bien mais pas top. Ce qui est bien. À noter que pour les arrêter, les V1, les Spitfire et les Hurricanes anglais, en fait, comme ils allaient vraiment plus vite, enfin, ils pouvaient pas vraiment trop tirer dessus parce qu'ils bougeaient trop. En fait, ils se faisaient chier à comme ils explosaient, tu vois. Ils essayaient de pousser l'aile. Mmh. En fait, avec leur aile, ils poussaient l'aile du V1 pour le faire dévier, en fait. Ah oui, mais pour de vrai. Ouais, il y en a un qui a... Mais il est décédé de ça, malheureusement, je crois qu'il avait fait sauter 14 comme ça. Déjà, je me demande combien il en a fait pour faire un. Il a la même vitesse que les Spitfire et les Hurricane. Les premiers V1, je crois qu'il y avait un truc comme ça où ils n'allaient pas hyper vite. D'accord. Les V2, par contre, c'était pas la même histoire. Donc après, on a eu le V2. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ben, les Alliés ont découvert tout ce chambardement, parce qu'on se rappellera que... Certains se rappellent qu'ils avaient bombardé Londres à l'époque, mais ils avaient aussi bombardé Amsterdam et Paris, ou surtout avec des V2, pardon. Mm. Et forcément, à la fin de la guerre arrivant, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde a dû choisir un camp camarade. Donc certains ont été embauchés plus ou moins de force, mais alors, on parle souvent des Russes et des Américains, mais certains ont été recrutés par la France ou par l'Angleterre aussi. Certains sont venus en France et le programme Ariane a été réalisé avec des ingénieurs allemands, par exemple. Je sais plus comment il s'appelait, le premier truc, je crois qu'il s'appelait, c'était le missile Véronique. Un truc comme ça, il avait un nom un peu bien franchouillard, tu vois. Il y avait la fusée Saturne 5 et Véronique. Et troposphère aussi. Troposphère 5. Troposphère 5. Mais non, je vois. Nous, on en rappellera qu'on a envoyé Félicette dans l'espace. Félicette est allée dans l'espace. Est-ce qu'elle en est revenue? Non, mais. Bon, voilà. Et pour commencer ce quiz, je vais vous rappeler que. Ah, donc c'est un quiz. Non, c'est pas un quiz. Non, je commence par un micro-quiz, en fait, parce que vous vous rappelez que... On avance. Il y a une petite bagarre de noms. Quand je vous dis astronaute, ça fait penser à quel pays? États-Unis. C'est États-Unis, oui. Ouais, ouais. Mais c'est pas que États-Unis, c'est donc aussi Canada et au Japon aussi, c'est utilisé. Quand je vous dis cosmonaute. Au Japon, c'est. Oui, c'est pas taïkonaute. Ah non, taïkonaute, et non, justement, je l'ai mis, c'est que la Chine. Ah, c'est la Chine. Ah, je pensais que c'était le Japon. Il y a même le nom pour les Indiens, mais je ne l'ai pas noté parce que c'était trop compliqué à lire. Cosmonaute, c'est européen. Russe. Non, c'est russe, ouais. C'est russe. Et, non, et donc pour la France, c'est. Voilà, c'est spationaute. Comme Hello, I'm Thomas Pesquet. Hello, voilà. Lui, il était par exemple spationaute. Voilà. Donc il y a une petite bagarre de noms. En fait, c'est toujours des mecs qui vont. Ou des femmes, hein, d'ailleurs, qui vont dans l'espace. Parce que la France a envoyé une femme dans l'espace quand même. Oui. Ouais. Puis ils ont fait revenir. Bah, elle devait pas placer le balai dans l'espace alors. Bah, c'était un peu le bordel dans l'espace, fallait bien nettoyer. Ouais. Balai de temps en temps, feignasse. Comment ça s'appelle? Je continue. Je continue. Ça va. On a le droit de déconner sur ces putains de femelles. Ouais. On a qu'à dire que c'était de l'humour noir. Je peux plus rien dire aujourd'hui. De l'humour de couleur. Pardon. Marqué qu'on dit un truc à gueule. Oh putain! Dans ton machin, bon, ce PC-là ne survivra pas jusqu'à près de Rennes. Ouais! Allez, enchaîne! Oui, si. Attends, femme, il y a du bordel sur son clavier! Ah, il y a à boire et à manger sur son clavier maintenant, regarde ça! Ouais. Donc, à une époque où les Russes et les Américains s'affrontaient, alors plutôt que s'affronter de façon diplomatique ou de façon un peu collégiale, voilà. Vietnam, etc. Aux vieilles époques. Aux vieilles époques, voilà. Bon, je te mets des missiles à Cuba. Ils ont décidé de se battre pacifiquement, entre guillemets. Pacifiquement. Ou Pacific Rim. Hein. C'est toujours pas fini d'ailleurs. Ouais. Ouais. faut plus boire de thé en Angleterre. C'est ça, hein, voilà, ouais. Par exemple. Tu veux ta richesse ? Non, bon. Donc ils ont décidé de se battre à la course à ce qu'on appelait à l'espace. Et donc la Lune a été un... Pas la Lune, pas la mienne. Hein. Non, j'ai rien dit. La Lune a été l'objectif de deux grandes puissances mondiales. Ah, quand ils ont pu la face cachée, ils ont été moins fiéraux. Hein. Le plus dur, c'était quand même de planter le drapeau. Hein. Ah, mais il en fallait du courage. Ils sont entraînés à Iwo Jima. Donc, par exemple, le 4 octobre 1957, on commence. C'était quoi d'après vous qu'on a mis dans l'espace en premier? Qu'est-ce qu'on a? Sputnik. Ouais, c'est Sputnik. Mais c'est Sputnik. Voilà. Parce qu'en fait, il y en a eu plusieurs. Oui. Et par exemple, le même novembre de cette année-là, en 57, qu'est-ce qu'on a envoyé dans l'espace? Alors, c'était deux premières. C'était une première. C'était les Russes encore? Non. Mm-hmm. Un chien. Ouais. Ah, Laika. Laika, ouais. Laika comme quoi. Non, c'était vraiment le. Là, c'est le jeu de noter. C'est le premier animal en orbite autour de l'espace. Il n'y a pas marqué qu'il est revenu vivant. Ouais, ça n'est un autre. Ça. Parce que, il y a dû un peu. Ouais. Ça y a dû un peu bourlinguer. Ce qui est un peu con. Ouais, en 58, le 17 mars. Regardez, aujourd'hui, fait un anniversaire en plus. Regardez. Bon anniversaire. Et là, c'est les Américains par contre. C'est Vanguard 1 et c'était le premier satellite équipé de panneaux solaires. Ah ouais? Ouais. Putain, ça fait tôt. Ah mais oui. Ben ouais, surtout pour eux. Ouais. La même année, on avait en décembre, le premier satellite de télécommunication, c'était le projet SCORE. Vous voyez, c'est aussi pour vous prouver qu'on a quand même pas régressé, mais quand même on a passé beaucoup d'années à... Il se passerait... Bon, enfin, ça a bien végété. Hein. Ah oui, ça serait très bon, ça a longtemps végété. Parce que tout ça, vous allez voir, ça se passe en SLS. Végété, c'est un très bon podcast. Alors en 59. C'est un syndicat aussi. Non, ça c'est cancer généralisé. En 59, le 2 janvier, parce que tu sais, le réveillon s'est vite passé chez les. C'était chez les Russes. On a eu Luna 1. Alors ça a été la première mise à feu d'une fusée, alors qu'elle est placée en orbite. C'est-à-dire qu'ils ont fait. Ils ont refilé un petit coup de mou, tu vois. Ok. Ça, c'est quand même balèze, hein. 2 ans, les mecs, ils t'ont fait des trucs. Et c'est aussi la première sonde spatiale de l'exploration spatiale à atteindre une vitesse de libération. Bon, je vois pas bien ce que ça veut dire, sauf que quand même, elle est allée. Ouais. La vitesse de libération, c'est celle qui te rend hors d'atteinte de la personne terrestre. C'était écrit sur Wikipédia. Ouais, bah oui, j'ai fait que noter. Hein. Et c'est la première supposition de l'existence du vent solaire aussi. D'ailleurs, c'est ce qui ralentit le projet il y a pas très longtemps. Enfin, c'est un projet qui a duré 15 ans, je crois. Ils ont envoyé un espèce de satellite dans l'espace et qui est censé mesurer s'il y a un niveau de la théorie d'Einstein. Il y a une différence au niveau de tout ce qui n'est pas théorie des corps, mais un peu tout comme ça. Peut-être je verbalise mal. Mais... Et donc, en fait, ils regardent si deux cylindres de matériaux différents, mais qui ont à peu près le même poids, ça bouge à de même fréquence, en fait. Mm-hmm. Tu sais, en fait, c'est l'expérience du kilo de plume et du kilo de... Et du marteau là. De pompe. Voilà, c'est ça, voilà. Et pour l'instant, ils n'ont pas trouvé de faille dans ce truc. Et à noter que ce satellite est tellement précis qu'il est ralenti par le vent solaire. Donc, ils sont obligés de compenser le vent solaire. Mais ça sert à quoi exactement? En fait, c'est pour vérifier que cette théorie d'Einstein elle est vraiment fiable. Mais là, ils sont à des niveaux. C'est infinitésimal. C'est vraiment. Et allez, nom de Dieu! J'en connais un, la dernière session, ouais. On a pété un verre comme ça. On dira pas qui c'est. C'était Noé. Ouais, c'est vrai. Après, alors pareil, ben, la même année, les Russes, deux jours après, hein, ils ont fait le premier vol de la Lune et premier objet artificiel placé en orbite héliocentrique. C'était Luna 1 aussi. Il a tellement allé loin qu'il a fait le tour de la Lune après. En 59 aussi, on a eu le premier satellite météorologique. Vous savez, c'est pour ça que maintenant, quand il pleut, ben, on le sait pas. Quand il pleut, on le sait pas, putain. Ça veut rien dire, ça. Ouais, parce qu'on regarde notre smartphone, on fait « Oh, non, il pleut !» Tu sais que si tu lèves la tête, normalement, ça marche aussi. Ah, mais tu sais, maintenant, les jeunes, ils regardent plus leur smartphone que d'autres. Ouais. Les pauvres. Et en août, c'est... Le con, quoi. Ouais. Mais... Alors qu'il y a 5 minutes, il était sur son smartphone. Mais il faut toujours avoir du cul sur son smartphone. Ça, parce que ça, du cul, j'en ai pas en vrai. Touché. Touché. Un 5 à 9 aussi, on a eu la première photo de la Terre depuis l'espace. Qui montrait qu'elle était plate. Voilà, justement, parce qu'on n'a pas les chaussures. Big up au platiste. Ouais. Au plaquiste. Un 5 à 9 aussi, on a le premier objet artificiel touchant le sol de notre corps céleste, pardon. C'est Luna 2 cette fois. Oui, parfois ils ont Luna 3 du fait. Ouais, ils incrémentent. Ouais. Ça, ça paraît logique. À part pour Troposphère 5. Ouais. Ouais. Ah, ils ont pas. Ah. Et d'ailleurs, direct. Ouais, et qu'est-ce qu'a fait Luna 3 par exemple? Luna 4. Non, ce qu'il a fait. Une orbite autour de la Lune. Il en approche, mais qu'est-ce qu'il aurait pu faire avec la Lune? Il a pris des échantillons. Un peu moins il a pris des photos. Oui, première photo de la face cachée de la Lune. Chaque trice est très Pink Floyd. Bon, ça, c'est pas compliqué à faire. Tu te baisses un petit peu, puis c'est bon. Pour le Scooby, c'est vite fait. On peut en faire tout un cliché à l'after de Podren. Un mur. Est-ce que la coloscopie c'est digital? C'est mieux en photo. Ah, ça ah. Je ne vous le fais pas dire. Sputnik 5, en 1960, c'était les premières plantes et animaux à revenir vivants d'un séjour dans l'espace. Ouais, il était temps. Oui. Bah ouais. Comme de gros blaireaux. Parce qu'après, il y avait le singe aussi qui était parti dans l'espace. Ouais. Et qui a fini dans la planète des singes. Ouais. Le remake ou le... Ah non, le remake, on n'a jamais compris. Alors... En 61, le 12 février, c'est la première sonde à effectuer des corrections de sa trajectoire interplanétaire. C'est-à-dire que la sonde, elle a fait un créneau, elle a vu qu'elle n'était pas sur la bonne ligne, alors elle est sur la ligne gauche. Peut-être la ligne droite, je ne sais pas, peut-être elle a pris la bonne sortie. Elle a pris la bonne file. Ouais. Ah, le 12 avril 1961, qu'est-ce que c'était? C'était les Russes, Vostok 1. Lundi. Ouais. C'était une grande première là. Ils sont. Premier homme dans l'espace? Oui. Ah, c'était ça? En 61. C'était 61? Ouais. Je crois que c'était plus tard. Ouais. Ouais, oui, ça passe vite. Et donc, c'était quoi son petit nom? Andreev Popovski. Alexievitch. Non, mais attends, on parle d'une sortie extravéhiculaire ou le premier homme dans l'espace? Premier homme dans l'espace. Mais c'est Gagarin. Oui. Ah, Yuri Gagarin. Vladimirovitch. Non. C'est Yuri Alexievitch Gagarin. Yuri Margarin. Je avec ton Alexievitch parce que j'étais sur Yuri Gagarin et je ne comprenais pas ton Alexievitch. Non, on ne lui dit pas trop son nom. Et là, après, pareil, alors on passe à 62 maintenant, ils sont un peu calmés, tu vois. C'était la sonde de Telstar. Et qu'est-ce qu'elle a fait, la Telstar? Elle a pris des extraits de la Lune. Non. Telstar, c'était quoi? C'était américain, ça? Telstar avait le premier satellite de télécommunication. C'est ça. Et première retransmission en Mondovision. Parce qu'à l'époque, on faisait des trucs en Mondovision. Tu vois, c'était. Toujours en arabe. Voilà, c'est ça. Il y a des grands mots, là, des jolis mots pour faire un truc. En 62, on avait encore reçu un truc, c'est les sondes de Vostok 3 et 4. C'est le premier vol simultané. Donc, il y a été en communication. Première communication radio entre vaisseaux dans l'espace et première image en couleur de la Terre. On s'est dit, est-ce qu'on fait la première photo en couleur? Où on voit qu'elle n'est pas bleue. Ouais. Voilà, qu'elle est plate et en plus qu'elle est pas bleue. Ouais. Elle est verte. C'est ça, ouais. Comme la robe. Ouais, c'est ça. Le platiste en PLS. En 62 aussi, on a eu le premier survol de Vénus. Mm-hmm. C'est loin. Ouais. En 63, qu'est-ce qu'on a eu? Donc, en seconde fois, c'est les Russes. Mm-hmm. 63, c'est les Russes. Une photo de Mars. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire, c'est quoi? C'est important aussi quand même. Frère Bogdanov. Temps X. Ouais, je sais pas. C'est une première aussi. Ah, on a fait pareil aux échantillons. On a pas encore les échantillons de la Lune. Bah non, pas. Pour ça, il faut mettre les pieds dessus. Quoi, bah, bien, pas forcément. À cette époque-là, ils étaient pas capables de faire partir, de repartir. Ah oui. C'était pas encore. Les Russes, non, 69, le premier rang sur la Lune. Mais 69 Charles de Gaulle va à Baden-Baden. Premier survol de Baden-Baden par Charles de Gaulle. Non, je sais pas. 60. Il y en a pas autour de la table. La première fille dans l'espace. Voilà. Première femme dans l'espace, Valentina. Premier podcaster dans l'espace. Kelechkova. Celle-là aussi, ils l'ont ramené. Celle-là aussi, ils l'ont ramené. Ah, c'est pas précisé dans ma feuille, donc. Elle rit encore. Elle fait le balai. Son aspirateur. J'aspire les démons. On l'entend parfois la nuit gueuler. Mais qu'est-ce qu'ils m'ont encore foutu, putain. Dans des gueulasses. Ça se range, ça. Y'a un placard pour ça. Un 64. Ça le fait. Gonzesse. Merde. Premier satellite géostationnaire. Mmh. Donc qui tourne en même temps que la Terre. Ouais. Qui reste tout le temps au même endroit. Ouais, ouais. Le mien petit piqué, okay. Le mien tuteur. Et... C'est l'escalier en fait. C'est ça, le mien tuteur. Et gars, avec une échelle de temps en temps, il va réparer. Non, ouais. Ils ont mis une perche à selfie, mais. C'est ça, une perche à selfie invisible. Sans fil. Un 64, c'était les Russes, c'était le premier équipage de vaisseau comportant plus d'un membre. Ils étaient deux. Non, peut-être qu'il y en avait un gros. Donc c'était pas Philippe Croise. Hein. C'était pas. Ouais. Oh, c'était pas facile. Celui-là, il avait des membres. Non, mais bon, ah, tu voulais ta lumps. Parce qu'en plus, non, ils avaient foutu un énigambiste, c'était la première fois. Tron. Ah, mais il était moins lourd, hein. Ils avaient foutu un homme tron. Dès qu'on lui a demandé sa carte handicapée, là-haut, ça. Vous pouvez pas rester là, monsieur. Faut descendre. Faut descendre. À pied. Ah, je pensais pas que ça allait autant vous inspirer. Les handicapés, on adore, nous. J'ai l'impression qu'on est en train d'ouvrir une succursale. Toujours en 64, alors on a la première utilisation de moteur Unix. Et oui, moteur Unix, ça existe. Lors d'une mission interplanétaire. De l'espace. Bruit d'espace. Ne fais pas de bruit avec ton merdoum, là. C'est un Dalek, c'est pareil. Ouais. C'est lié à l'espace. Hein. Ouais. Comme quoi, c'était bien thématique. Quand même. Ah, en 65. Mais qu'est-ce qui s'est passé en 65? Pas une fois, encore une fois, c'était les Russes aussi. La piscine de Mexico. Ah. Ah, moi j'étais sur Superman. 65. Ouais. Les Russes en 65. Je vais faire une imitation très pas sonore, du coup, les Zodo. Jean-Michel. Ils ont lancé. Ouvert une porte. Ah oui, voilà, donc. Sortie extra. Et oui, la première sortie extra véhiculaire. Et oui, c'était. Alexei Leonov. Eh oui. Eh oui. Et les Russes, vous voyez qu'au début, à l'époque, ils étaient quand même. Ouais, mais enfin, ça veut dire qu'on ne rentre pas aujourd'hui. Bah non, c'est ça. Bah, ils ont fait des voitures. En gros, en 10 ans, ils ont fait toutes les avancées. C'est ça, c'est une fois qu'on a été sur la Lune, au moins la première fois, et enfin. Maintenant, on est sur Google. C'était fini. Maintenant, il fallait sur Mars, mais c'est loin. Est-ce qu'on n'aurait pas atteint un plafond de verre? Puis sur l'Italie, voilà, on voulait la théorie. La théorie du plateau. Donc, vous voyez, après, je vous laisse aussi réécouter le magnifique discours de Kennedy, qu'il avait relancé un peu tout ça. Ça... Ouais, super discours. Ah, moi, j'ai vu comment il a terminé. Hein. On a vu comment il a terminé. Oh, bah, il voulait faire une balade en. Il a voulu faire une balade en cabriolet, qu'est-ce que tu voulais? Non, c'est con. À Dallas en plus. Ouais. Il faisait beau. Il a décapoté. Il y a une balle magique qui est arrivée par là et hop. Petit coup de soleil. J'ai attrapé un coup de soleil. D'amour, un coup de soleil. Je suis fier. Surtout à Dallas. Alors après, en 65 aussi, on a les premières cartographies de la Lune, avec des photographies, mais évidemment, ça fait le tour. Ils ont focus photocopier leur fesse. Bah, c'était les Russes. Hein. Quoique, je pense qu'en Russie, à l'époque, t'aurais dit « Ah, regardez, j'ai photocopié la Lune », je pense que... Parce que t'aurais été bien accueilli après. Ça, c'est Dédé de la compta. Oh, il est con. Ça, c'est Dédé du goulag. Ex-Dédé de la compta. Alors, en 65, il s'est passé un truc aussi, j'ai pas, c'est pas un truc que je fais souvent aussi, c'est les Américains. Ouais, ils ont baisé sur la Lune. C'est pas là où ils ont fait cramer leur lanceur Mercury? Non, pas du tout. Alors, c'était les sondes Gemini A1 et 7. Ils ont... Parce qu'évidemment, le 6... Les sondes de Gemini? Ouais. Elles faisaient quoi, celle-là? Ah, bah, Gemini, ça doit vouloir dire quelque chose. Gémeaux. Oui. Donc? Bah, les chaussures. L'horoscope. Chevalier du Zodiac. C'est bien entouré. Chevalier d'or. Les chaussures. Il y a du génie sur cette table. Ah oui. Ah oui, toujours. Donc c'était en fait le premier rendez-vous orbital. Le premier date. Rendez-vous orbital. Ouais. Donc c'est vol en formation, pas d'amarrage. C'est-à-dire qu'elles sont regardées un peu de loin. Ouais, elles sont même pas marrées. Ah nous, qu'est-ce qu'on se marre ici? Ouais. Bon d'accord, moi je vais. Non, tu rajoutes pas davantage. Ah non, c'est pour moi là. Lune à 9. Putain, on a encore des vilains. Ah, mais oui. Oui, à 66, s'il te plaît. C'est un peu long. T'as combien de pages? Là, une. Il y a trois pages là, c'est bon. Oh, ça va. Ouais, non, non, non, je l'ai pas écrit. Ah, oui, que plus, tu me les as pas mis dans le bon sens parce qu'en fait, tu dis que c'est pas le ah, ouais, j'en sais rien. On est passé dans les années 60. Putain, Jean-Michel Préparation. On tire mes feuilles dans l'ordre. Mais quoi? Oh, il y a le. Moi, j'ai imprimé au pif. T'as pas cherché à comprendre. Donc en fait, dans l'une à 9, hein, 66, c'était le premier atterrissage en douceur. Ouais, parce que quand ça se crache, c'est terrible. sur un autre corps céleste. Là, c'était que la lune, hein, c'est déjà pas mal. Première photo prise depuis un autre corps céleste. Ils en ont profité en plus pour faire 2-3 photos, tu sais. C'est quoi. Des genres de chinois de l'espace. Hein. Ah, oui. Un selfie sur la lune. En douceur. Voilà, en douceur. Ils ont atterri. Le truc qui se pose, fait oula. Tant que c'est pas en oh, ça fait des petits guillis. c'est des navettes avec des grosses couilles. Oula. Ah, moi j'avais la version perroquet. Oula, oula, avec un oula, oula. Alors qu'en 66, encore une fois, le 1er mars 66, par contre, là, ils étaient un petit peu moins ambitieux, c'était le premier impact sur une autre planète. Deep Impact. Voilà. Ouais, quel film de merde. Ouais. Vénéra 3, là, c'était bien. Vénéra. Je ne sais pas pourquoi ça s'appelait comme c'était ça. C'était Vénère. Voilà. En 66 aussi, on a eu donc le premier amarrage en orbite entre deux vaisseaux spatiaux. J'ai fini ma bière. Je suis pas loin. C'est vrai déjà ? Ben ouais. Ah, mais... C'est long, hein, t'as respecté. Ah ben bah... Il y a jours qu'on boit bière, David, du coup. Allez, bonne année, bonne année. Ouais, tu vois, ouais, ouais, ouais, dis donc, ta première bière, bravo fiston. Ah mais... ça se fait. Enfin, j'ai envie de me saouler, quoi. Il a fini. Mais non, moi je finis, je fais toujours des coups un peu plus intellectuels, tu vois. Non, je sais pas... de relever le niveau, moi. Alors, j'irai ouvrir une craft beer, mais j'irai la faire au-dessus de l'évier au cas où ça part en mousse. Au cas où ça dégueule. Ouais, parce que moi j'en ai ouvert une comme ça, j'ai mis la moitié à côté. Ah oui, bah, et ça a tellement moussé que. Vas-y, pardon, excuse-moi. Oui, c'est ce qu'il y avait. Alors, je vais les dire notre. En 66 aussi, on a le premier satellite artificiel autour de notre corps céleste, donc autour de la Lune. On a le premier accostage automatique en 67 entre deux engins inhabités. C'était là. Touche pas. Et Noé a le droit de toucher, alors moi je touche aussi. Hein. Personne me tâte. Alors, en 68, il y a eu deux êtres divins à orbiter. Ah, autour de notre corps céleste et à revenir intact sur la Terre. C'est toujours préférable. Bon, je croyais qu'il allait dire c'est toujours des femmes. Bah, ça pourrait, t'as vu quand même, pour la gloire, quand même, ils envoyaient des mecs parce qu'ils auraient été que pour la salle besoin, ils envoyaient des femmes. Ça, ils auraient pu passer le balai. Quoi. C'est pas décourageant. C'est sexiste. Donc, j'en ai. Et si je vous dis Apollo 8 Ah, pchit. C'est un film, ça. Apollo 13-5 C'est une café pchit ou. Non, non, c'est le premier orbe à orbiter autour d'un corps céleste. Bah, c'est les amis, ça ne va pas faire trop de choses. Il a fait le tour de la Terre et puis il est redescendu. Non, la Lune. Non, la Lune. Il préparait les futures missions, il cherchait les sites d'alignement. Il a fait le tour du rond-point. Ouais. Et il est reparti. Tu veux dire comme deux fois. Comme deux lumière. Fois le tour du rond-point, au cas où. Au cas où, là, oui, c'est bien celle-là. Mais est-ce que c'est bien celle-là? Oui, c'est bien celle-là. Alors après, le 21 juillet 1969, bon, c'est non, ça c'est le mec qui c'était juillet, qui a lancé un caillou, non, c'est ça. Juillet. Bah, t'avais dit mai, moi j'aurais dit juin, tu vois, on était... Ouais, moi, c'est... Tu vois dépend, j'étais parti sur mai. Film de ouais. Stanley Kubrick. Ouais, très bon film, d'ailleurs. Très bon film. Ouais. Ouais. Très bon d'espace. Donc c'est le premier homme, donc, à marcher sur la Lune, et premier décollage depuis un autre corps céleste, parce que, oui, ils sont revenus, ils sont allés chercher du pain, ils sont revenus. En 70, donc pour là c'est les Russes par contre, c'est le premier retour automatique d'un échantillon du sol lunaire. C'est-à-dire qu'on pouvait. Déjà à l'époque, on allait chercher des trucs automatiquement pour les ramener. Des petits cailloux pour les ramener. Toi aujourd'hui, on te dit quand même envoyer des trucs sur la Lune, c'est dur, c'est cher. Je parle, il y a des sacs poubelles avec du caca sur la Lune. C'est vrai, c'est moche. Ils ont chié dans le. Bah attends, faut bien. Hein. En 71, on a la première station spatiale. C'était les Russes. C'était quoi? C'est Salyut. Salyut, ça va? Ouais. En 71, on a Mariner 9, que certains connaissent ça. C'est une sonde, ça. Ouais, et c'est le premier objet placé en orbite autour d'une autre planète. Vous voyez que quand même, et je suis qu'un 60, enfin, je suis qu'un 71, vous voyez que. Chaque fois qu'il y a un mec qui bouge un caillou, tu nous l'aurais. Mais attends, ils font des trucs. Après, on a la première sonde arrivant au contact du sol martien. Ça, c'était en 71 aussi. En 71 aussi, de la même année, Parce qu'ils ont fait envoyé plein de sondes. T'es en train de me dire qu'avant Mars Rover, il y a eu une sonde envoyée sur Mars. Ouais. Ah, premier atterrissage en douceur sur Mars en 71 déjà, et premier signal émis depuis la surface de Mars. D'accord. En 72, première mission a pénétré dans la ceinture d'astéroïdes et a quitté le système solaire. C'est Pionnier 10, ça. Premier homme à trouver un nord-coréen vraiment content. Ouais. C'est autre chose. En 73, on avait envoyé le premier robot motorisé sur notre corps céleste, donc la Lune, qui a parcouru la distance de 42 km. En marathon, quoi. Oui, il a fait un marathon, c'est ça. Mais Keta, il a parcouru la distance d'un marathon, en plus, c'est ça. Il avait tout calculé. 125. Et en 75, c'est la fin de ce qu'on appelait la course à l'espace, parce que après les Russes et les Américains. Après, c'est devenu la guerre des étoiles. Ils ont préféré faire la guerre. Voilà, c'est ça. Et après, ils ont préféré que réunir de l'argent. Donc, c'est la première sonde à renvoyer des images noir et blanc depuis la surface de Vénus. Donc, vous voyez, quand même, en pas mal d'années, on a fait pas mal de trucs. Et on fait tout ça pourquoi? Parce que la guerre. Mon ami. Ah, tout ça, ça, je sais pour pas. Pour le prestige national. C'est ça, ouais. C'est pour la gloire. Mmh. Et ça, c'est pour la gloire. Mmh. Et d'ailleurs, en parlant de gloire, si je vous dis Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace. NASA. Ouais. Station spatiale européenne. ESA. C'est ça. Ah, ouais. L'Agence spatiale fédérale russe. C'est le Roscosmos. Ah, parce que ça devient de plus en plus difficile. L'Administration spatiale nationale chinoise, ça c'est le CNCA. Mm-hmm. Si je vous dis le JAXA. Japon. Ouais. Oh, c'est l'Agence d'exploration aérospatiale japonaise. Japonos. Le Centre national d'études spatiales. CNES. Le CNES, voilà. Le DLR. DLR, DLS, tant sympa ça. Direction de la Lune. Centre allemand pour l'aéronautique et l'astronautique. Wow. Oui, parce qu'on se rappelle qu'avant d'avoir des programmes européens, il y a surtout des programmes. Oui. C'est ça. Ah, l'Europe, quelle belle c'est idée. Ça. L'ISRO. C'est un aéroport. Bon, c'est pas les Indiens ou un truc comme ça. Si, c'est ça, ouais. Organisation indienne pour la recherche spatiale. L'ASI. Arrêt sur image, qu'est-ce qui reste les Australiens? C'est ce qu'on dit aux chiens. Merci. Merci. Couchez. Nine. Non, je vois pas. L'Agence spatiale italienne qui ont aussi des très bons satellites. Le... Si vous pouvez nous envoyer Berlusconi en orbite. Ouais. Oh, t'inquiète pas que lui en a envoyé du monde en orbite. Par contre, il pourrait pas se décomposer, il n'y a plus que du plastique. C'est une marionnette des guignols, ce mec-là. Lisa. C'est l'inverse de la signe Colissa. Très bien. D'un point pour Gryffondor, je sais. Non, en fait, c'est l'agence spatiale iranienne. Ah, bah oui, on les avait oubliés, ceux-là. Effectivement. Tu vois, alors, là, il y en a deux. Parce que c'est un pays bizarrement où il y a deux, je sais pas pourquoi, graphique, c'est bizarre. ASC ou CSA. Pas le CSA, hein. Pas oui, c'est rien, le CSA. Non. Le CS quoi? Bon, c'est un pays où il y a deux langues. Deux langues. Ouais. Belgique. Le Canada. Le Luxéa. Luxembourg. Non. Lettonie. Royaume-Uni. Ouais. L'Agence spatiale du Royaume-Uni. Le ASAL. Le nasal. Ça va vous faire rire parce que moi je pensais pas qu'ils en faisaient autant. Ouais. Luxembourg, la Suisse. La station spatiale algérienne. Ah ouais. Mais alors bah ouais. Ils ont des couscous dans l'espace, je sais pas. Ah ouais, ben bah voilà. Ah ouais, bah c'est bon. Ah bah putain, ils se font pas chier parce que c'est bon le couscous. Ah. La couscoussière dans l'espace. Ouais. Comment les sous-doué. Ouais. Et encore le Lisa, encore, parce que je crois que. Putain, mais ils ont pas d'imagination. Ah non, ils en ont pas. Je suis. Bah je sais pas. Un pays avec aussi qui a pas mal d'argent. Une puissance nucléaire aussi. Pakistan. Corée du Nord. Hein? Pakistan. Non. L'Iran. Non, l'Iran, tu l'as déjà dit. Oui. L'Iran, l'a dit. Une puissance nucléaire. Israël. Oui. Oh. Voilà. On s'est fini de mon quiz. Voilà. Sinon, vous savez, les nations qui peuvent envoyer des gens dans l'espace. Il y en a quelques autres. Il y a le Brésil, tout ça. Mais bon, c'est un peu plus cheapos. Hein. On a appris plein de choses. J'espère que Asto va revenir avec de la guerre. Voilà. Mais quel timing. Épée pour Asto. Voilà. Donc voilà, donc maintenant quand vous voyez des missiles qui chopent des migrants parce qu'ils n'ont pas pu atterrir sur une barque, c'est qu'on revient de loin. Ouais. Mais Donald, il a dit qu'on allait retourner dans l'espace, alors... Oui, il a dit, on va refaire des... On va faire des camps de vacances sur la Lune. C'est là, du coup, ouais. Des camps de concentration sur la Lune. Ah. Des résidences pour les retraités. Alors, du coup, qu'est-ce que tu nous as ouvert? Mes deux craft beer, donc elles sont parties un peu en mousse, surtout celle-ci. Aussi, ouais. Donc ça, c'est la blonde. Mm-hmm. Et donc celle qui en a un peu plus, c'est la bière blanche. Que t'as fait toi-même, du coup. Ouais. Avec la racine Beemaker. Avec le Beemaker, ouais. Le kit Beemaker, donc le kit de base où il y a la blonde. Et puis j'ai pris une recharge avec la blanche. J'ai fait 3 bouteilles de 75 que je prendrai pour Pordrain. Oui, il m'en restait encore bien deux. Bien sûr. C'était plus cette phrase était plus ingénieuse que tout le monde aussi. C'est vrai. Mais on n'a pas encore envoyé de bière dans l'espace. Ouais. Par contre, on a déjà envoyé des cartons vides dans l'espace. Ouais. Ouais. Il y a une anecdote comme ça où les mecs étaient censés renvoyer de la nourriture. Ils envoyaient les cartons vides. Ouais. Les astronautes là-haut, les cosmonautes, du coup, c'était. C'est un peu aléatoire, donc là je suis pas certain. Ça fait cher le carton dans l'espace. Hein. De la qualité de la blanche. Elle a l'air très levure. Je m'en vais goûter. Elle a quel âge, ça, là? 2 semaines, du coup. Ouais. 2 semaines et demie. Oui, il faut attendre. Enfin, moi, si j'ai un conseil à donner, c'est d'attendre au moins minimum un mois, voire un mois et demi. Dans le truc, ils disent 2 à 4 semaines. Ouais. Mais c'est vrai que 2 semaines, ça fait très juste. Là, ouais, c'est... T'as pas du tout de maturité. C'est assez fort en levure encore. Ouais. Hein, à ce stade-là. Tu sais, la maturité. Hein. Ouais, t'en prends un chèque, crack. Eh tiens, bonjour, mes amis. De toute façon, ça craque qu'une fois. Ça, déjà, tu l'auras, ça sent la levure. C'est comme un poulet, c'est quand les autres craquent. Attention, par contre, t'as deux cheveux, faut pas les dire, quand il y a pelouse, il y a match. Il y a gazon. Enfin, moi, tu peux me le dire, c'est à mon pote qu'il faut pas dire ça. Ah, mais c'est. Oh non. Pourquoi? Ah, bah, c'est la prison, ça l'a changé. Ah ouais? Parce que lui, il s'est fait avoir. Il y a pas plus qui s'est fait avoir. Du coup, faut passer à la suite, c'est ça? Oui, c'est ça. Ton jingle est prêt? Bah, oui. C'est les questions aux invités natifs. Putain. C'est ça. Bon, le surprise de Pépé. Oh, ben là, tu sais qu'il peut partir. Hein. Ah, ouais. Insert. Bon, mais ça arrive. Allez, viens! Allez, viens! Allez, viens! Viens! Viens! Allez, viens! Viens! Allez, viens! Viens! Viens! Allez, viens! On va manger des chips! T'entends? Des chips! C'est tout ce que ça te fait quand je te dis qu'on va manger des chips. Numéro 8. Allez. Comme ça, direct. Ça préliminaire. Vas-y, monsieur Azertov, parce que alors, question numéro 8. T'écoutes quoi en ce moment? J'écoute quoi en ce moment? En musique ou? T'écoutes quoi en ce moment? En ce moment. Un verre original. Non, j'écoute le Cozy Corner. Oh. Parce que le Cozy Corner, c'est quand même. C'est des bons, quoi. Ce qui est ça parle de bagarre, ça parle de manger, ça parle d'anecdotes. Voilà, Cozy Corner, c'est très bien. Donc David, choisis un nombre entre 1 et 91, sauf le 8. D'accord, le 15. Le 15, ton pire souvenir au cinéma. Ah, intéressant. C'est pour moi aussi. Oui, c'est vrai, j'ai choisi le nombre, moi. Bah oui. Tu réponds, c'est ça la question du nombre. Pire souvenir au cinéma, je suis mitigé. Il y a eu Man of Steel, qui était un très mauvais souvenir. C'était Taxi 4. Tellement j'ai failli me barrer. Il y avait, je sais plus comment c'est ça s'appelait, un film chiant, machin de la colère, là, c'est hyper... Les gens de la colère? Non, c'est autre chose, mais... Les gens de la colère? Non, mais laissez tomber, de toute façon, c'était de la merde. t'as pas cité Les Bronzés 3, t'as eu quand même le bon... Mais je suis pas allé, je suis pas con. Moi, j'avais été voir Les Bronzés 3. Ouais. Ma mère, moi aussi, m'y avait obligé. C'était chiant, maman, il y avait du Zucchero, il faisait... Ouais, baila, baila, morena, este filmo, este la mierda. Et j'ai pas pu l'aromatiser. Monsieur Star Wars 7 se défendait pas mal, c'est vrai. 91. Oh, 91. Ça c'est une question de Randall. Non, de notre ami Doui. Oh, orienter un petit peu la question. On parle pour toi. Ouais. Est-ce que sucer, c'est manger? Oh. Si on fait ça bien, oui. Tu penses quoi de coco? Voilà. Et donc, voilà. Ah, bah oui, on a posé le question. Excuse-moi, c'est allé si vite. Alors, on n'a même pas une deuxième. Du coup, on va passer chaque, au quiz à base de Clopipo. Yeah! J'ai envie de voir Toche, c'est merveilleux. C'est le quiz à Monsieur Toche? Oui. Non. Alors, il n'y a aucune raison de s'énerver. Allez, d'accord, du coup, je lance le jingle. Moi je savais qu'il y avait une histoire, qu'il était nouveau. Excellent. Alors, mais là. Tu peux enchaîner, monsieur Toche. Alors, chers sociétaires, chers invités, mais surtout chers amis. La fois précédente, nous avons pu déguster un Clos Pipo 2015 en faisant un quiz sur le hockey et plus précisément sur la NHL. Aujourd'hui, nous ne ferons pas l'inverse, mais toujours autour d'un verre du breuvage que. Comment ça, pas l'inverse? On va pas goûter de la NHL et. Non, on va pas goûter de la NHL avec un quiz sur le Clos Pipo, quoique on aurait pu. Mais toujours autour d'un verre du breuvage que produit mon ami Yannick, nous allons voir quel est votre niveau de connaissance sur le vin en général. D'ailleurs, prépare le vin, David. Voilà, et par un petit quiz que j'ai honteusement récupéré dans la revue du vin de France. D'une part, je le trouvais bien, et d'autre part, sorti du hockey, en fait, j'avais pas trop d'idées. Alors, j'avais bien pensé à la quizographie de Dupont-Moretti, mais la lecture de sa bio m'en a dissuadé. Les meilleurs plaidoirs. Voilà, j'aurais pu. Puis, en plus, c'est un avocat très médiocre si on regarde d'où il est sorti et à quel rang il est sorti aux examens du barreau. Des poubelles et les retourner, non ? J'aurais pu aussi tracer un panorama non exhaustif des réseaux de podcasts à but non lucratif, mais l'écoute même d'un épisode de Podcast Néo que je découvrais par la même occasion hier matin en partant au taf sur le thème de la polémique m'en a dissuadé. Et comme quoi, c'est ballot, t'en écoutes qu'un, tu tombes sur l'autocensure, et dites pas des mal des gens, dites pas que les nazis c'est gentil, etc., etc., ça en a été trop pour moi. Voilà, dommage, j'étais parti sans a priori, mais bon, comme dirait l'autre, ça c'est pas ma cam. Ma cam à moi, c'est cette création d'Azertov, Asto, Gandalf. Ma cam, c'est le podcast entre potes, avec pour seul objectif de passer un bon moment, et d'essayer d'emmener ceux qui nous écoutent dans nos bonnes parties de rire. J'ai perdu ma ligne. Non, emmener tous ceux qui nous écoutent dans les bonnes parties de rigolade, pourquoi pas leur faire découvrir des trucs, hein, comme la course à l'espace. Ma cam, 5 au bal, priez pour nous, c'est CVT, et son humour qui ferait tousser des clous de vitrier à nombre de bien-pensants au premier degré. Ma cam, c'est Feu Plan B, premier podcast à m'être tombé dans les oreilles et qui m'a donné l'envie de découvrir ce monde, pensant naïvement que cet état d'esprit était la norme et le credo des créateurs audio. Vous allez me dire que tout ça, c'est du bien gras, du bien lourd, du pas sérieux. Alors, pour équilibrer, je vous rassure, je me shoot aussi à Walter Proof, à Benjir. Il a mis à côté. Ça, ça mousse. Là, tu as dit Ben, ça m'a tué. Là. Je sais pas pourquoi ça m'a fait quelque chose. Au Cozy Corner, dont Pépé parlait juste avant. Ouais. À l'Anthropode, à la vie des moutons et bien d'autres dont je peux pas faire la liste ici car ça prendrait trop de temps. C'est une épaisseur incroyable. Qu'ils m'excusent si ça les embarrasse d'être cités comme ça, mais quand j'aime, je dis. Quand j'aime pas, je dis aussi. En revanche. Mais de quel droit tu te dis, tu juges les gens pour leur dire qu'ils sont bien, hein? Je juge si pas. Tu connais rien. C'est dégueulasse. Je donne ma sensation. Quand j'aime, je dis. Quand j'aime pas, je dis aussi. Je juge pas. En revanche, j'aimerais juste préciser au réseau de podcasteurs soi-disant exclusifs, les plus récents, inclusifs. Les plus récents, que s'ils ont découvert là quand ils sont arrivés à une terre à explorer, qu'ils n'oublient pas que ceux qui étaient déjà là leur ont ouvert la voie. Inchallah. Et là, je vais rassurer les rageux de suite. Ça, c'est la sodomie, ça. Je vais rassurer les rageux de suite. Quand j'aurai retrouvé ma ligne. On est au premier épisode. Ouais. Non, mais j'aurais pas dû mettre une police de caractère aussi grande. J'aurais pas écrit en comics AMS. De quoi? Un vieux qui écrit pas en comics AMS. Une lettre par page, c'est peut-être un peu. Ouais, ça fait beaucoup, ouais. Donc je disais que j'allais rassurer les rageux là qui commençaient à me voir venir, c'est que moi dans cet univers je suis rien, je compte pour pot de balle et je m'inclus aucunement dans les fondateurs. Pot de balle, c'est pot de balle. Par contre, c'est déjà pris pot de balle. Pot de balle, pot de balle, tout ça c'est déjà fait. Par contre, comme disait mon vieux, la lanterne on l'a dans le dos et c'est pour éclairer ceux qui suivent. Alors toi mon copain, si t'es dans le game parce que t'as vu de la lumière, pense un peu qu'il y a au bout des gens qui ont fait le chemin avant toi. Bon, là, j'étais chaud, mais je viens de perdre le fil. Non, là, j'ai récupéré ma ligne, mais c'est qu'en fait, quand j'écrivais le truc, il a fallu que j'aille passer l'aspirateur. Oui, j'ai aussi un côté féminin. Et accessoirement machiste. Bref, ma cam de podcast, c'est celui qui est crafté gentiment dans son coin, le petit natif désintéressé qui ne demande rien en retour. Celui qui veut juste créer de la communication, ouvrir le débat et poser plein de questions. Celui qui donne pour le plaisir de donner. En gros, pour bien caricaturer, attention, là tu vas pouvoir cocher xénophobe, hein, si ça te dit. Un roumain au feu rouge s'attachera plus facilement à ma sympathie en me demandant quelques pièces que certains que je n'aimerais pas parce que oui, bêtement, bah, faut pas dire du mal des gens. Donc je vais me réfréner dès à présent avant de déclencher un schisme en disant tout haut ce que d'autres pensent tout bas, comme par exemple que le nouvel Eldorado faudrait aller le trouver ailleurs. Que quand on voit ce que c'est devenu YouTube sur les principes et les bases que suit le monde du podcast, ben moi ça me fout la gerbe. Alors je vais penser à Randall Flagg qui me dit que je pense que je prends tout ça trop au sérieux, mais comme plein d'autres, me calmer et tout en dégustant ce fameux clopipo, que ceux qui connaissent nous invitant, je me propose donc de mettre à l'épreuve votre savoir sur le sang du Christ. Oui, j'avais oublié une allusion à la religion aussi, car en plus d'être con, grande gueule, plagieur, machiste, xénophobe et tous les autres défauts du monde que vous voudrez bien m'adosser, je suis athée pratiquant, comme Meurice, bien que moins nettement plus drôle que lui. Est-ce que vous êtes prêts? Facho! Bravo! Ouais. Facho, connard! Facho! Ah, c'était facho, une belle rubrique, hein. Je ne suis pas d'accord avec toi, facho! Tu peux t'arrêter. Trop sérieux, c'est vrai. Ça veut dire qu'à l'apéro original, il va falloir qu'on écrive tout le texte maintenant en majuscule. Un beau plaidoyer à la Dupont-Moretti. Une belle lettre d'amour. J'ai lu tous ces, toutes ces plaidoiries. À cause de toi, ça ne sera pas monétisé. Hein. Bravo. Ça, franchement, on est grillé pour la monétisation game. Au moins, c'est que ceux qui n'étaient pas. Alors, ces propos n'engagent que moi, hein, mais attention. Mais je profite de cette petite fenêtre pour justement dire ce que je pense. Hein. T'inquiète pas, il y en a eu d'autres qui, c'est une grande dévitrée, là. Qui se sont cru plus importants que les atouts. Et moi, j'ai voulu. Non, mais tu vois, c'est comme mon podcast. Au bout d'un moment, il faut que ça sorte. Voilà. Mais on en a vu passer d'autres et ils ont explosé en vol. C'est pas grave. Parce qu'ils manquent de patience, ces gens-là. Je sais de qui tu parles. Je peux peut-être raconter l'anecdote du Comic-Con. Vas-y. Ah, vas-y, allez. De Freepod qui se sentait un peu plus haut que tout le monde aussi et qui passe devant notre stand en rigolant parce qu'on réglait la table de mixage et les machins qui font « Putain, ça fait du bruit de votre côté, c'est nul. » C'est dégueulasse. Et on fait un débat avec No Watch, avec une émission qui passait sur la TNT à l'époque et tout, qui se passe super bien. Et à la fin, ils reviennent nous voir et font « Vous auriez pu nous inviter ?» Donc, au lieu de nous snobber, venez nous dire bonjour. Oui, tout simplement. Voilà, c'est comme ça que ça marche, quoi. Dans ce média, ça marche comme ça. Tu prends ça trop au sérieux. Oui, mais c'est ma nature. C'est ma nature. Attends de voir, attends de goûter à l'argent du podcast, tu vas voir. Quand tu seras en Porsche, ça sera bizarre. Mais si je veux une Porsche, je vais en acheter une. C'est vraiment la finalité. Le crédit paye tout. Mais est-ce que je vais être plus heureux avec une Porsche? Ouais, parce que ça va être plus embêté. Mais si, pourquoi faire? Tu peux pas rouler à plus de 130. Voilà. Mais si, t'as un adapté. Elle prend déjà le Bluetooth pour écouter tes podcasts dedans. Non, mais mettez en ligne de mire de quoi vous avez vraiment besoin et après, fixez-vous des objectifs, fixez-vous des moyens. Moi, tu sais de quoi j'ai besoin? Mais quand tu fais. Il porte un nouveau podcast de Tocheux. Ah. Ouais. Qui râle avec Tocheux. Carrément. Roule en Porsche avec ton cheveu. Oh, les vélos. Pour l'instant, tout ce à quoi vous aurez droit, c'est un petit quiz. Il y a, je sais pas combien de questions, une petite vingtaine, une petite trentaine. Et si ça vous casse les couilles, on arrêtera et on débattra. Hein, sur l'avenir du podcast. Ouais, ça fait pour déguster, est-ce qu'il vaut mieux privilégier une pièce dans les tons rouge, sombre ou clair? La pièce. Déguster dans les tons. Une pièce. Claire. Non, sombre. Quel sens déguster? Déguster, quand tu ouvres une bouteille de vin et que tu le verses et que tu le regardes, que tu le goûtes. Et justement, c'est sombre. Clair, pour voir la robe. Hein? Clair, pour voir la robe. Ouais. Robe noire dorée. Parce que moi, il y a des salles noires avec du cuir et tout, on déguste aussi. Hein, par là, c'est pas le même tiers-bouchon. Mais effectivement, il vaut mieux être dans une pièce claire, comme le disait Jean-Jean, pour pouvoir mieux examiner la robe du vin. Alors que justement, ça devrait être pour déguster, c'est plutôt sombre parce que on voit plus avec c'est les yeux qui bouffent le plus le au niveau du cerveau. C'est pour ça que quand on embrasse quelqu'un, on ferme les yeux. D'une, ça serait un peu glaucose, et de deux, c'est... Alors, je rappelle, si ça n'a pas été bien précisé au départ, ou peut-être pas bien entendu, que c'est pas moi qui ai fait le quiz, hein, je l'ai récupéré sur un site. Non, mais ils ont pris du temps pour le faire, je préfère le dire. Moi, je le trouvais bien, donc voilà. C'est bien fait. Où trouve-t-on souvent les vins au meilleur prix? Est-ce en grande surface, chez les cavistes ou chez les producteurs? Chez Lidl, chez les producteurs. Oui. Là où tu peux le voler. Sur Tipeee, pas toujours le cas. Alors, il y a des producteurs qui, effectivement, ne veulent pas faire de la vente directe. Ouais. Yannick fait de la vente directe. Le Clopipo est à 6,50€. Voilà, victime de son succès et d'une petite parcelle, et bien maintenant on est passé d'une bouteille de 6 euros à cause de l'inflation tauchetienne, le Clopipo a explosé. Ah, alors ça, c'est les collectivités, c'est les coopératives. Une façon de faire aussi, ils ne veulent pas s'embêter. Voilà. Après, il faut savoir que de la vente directe, c'est de la disponibilité à avoir, c'est de la charge administrative. Il y en a qui préfèrent faire de la vente directe. Quand on a une grande exploitation et qu'on va faire de la vente directe, après, c'est compliqué. Mais moi, personnellement, c'est une chose que je préfère parce que ça crée de l'emploi, ça crée du tissu social. C'est quand même nettement plus intéressant que d'aller filer son vin à une coopérative ou à une plateforme. Il y en a qui préfèrent faire du fait de l'embouteillage, du embouteillage, du rap, c'est pas trop comment. Mais c'est comme dans le podcast, mais il y en a, ils font du vin pour faire du fric. Bien évidemment, il y en a qui font du vin par amour de la terre, par amour du produit, par amour du travail. Il y en a qui adorent travailler dans les vignes et tout ça. Mais il y en a, hein. Mais il y en a, ils s'en vont, pas plus tard que... Quand est-ce que j'ai vu ça à la télé? On va juste digresser deux minutes. Un propriétaire bordelais qui est arrivé, une propriétaire bordelaise qui est arrivée il y a une dizaine d'années, on a trouvé le coin joli, on a eu l'opportunité d'acheter le château. Un des plus gros châteaux du truc. Et ils s'en branlent complètement du pinard. Hein. Oui. Le maître de chez, ils l'ont lourdé, ils ont été en chercher un autre, et puis point de barre. Hein. Ils n'étaient pas là pour avoir un château, pour avoir des terres, à faire profiter et travailler et profiter. Non, non, eux, ils voulaient de la production avec de la qualité pour assurer un standing et assurer un prix. Voilà. C'est tout. Question 3. Qu'est-ce que le French Paradox? Est-ce que c'est le fait que les Français parviennent à concilier bonne chère et bonne santé? Est-ce que c'est le fait que les Français soient friands de fast-food tout en se revendiquant pays détenteur de la gastronomie? Ou est-ce que c'est le fait que les Français réussissent à boire beaucoup d'alcool avant d'être saouls? Ça c'est faux parce qu'il y a Gandalf 80. Les 3. Moi je dirais le 2. Moi je dirais les 3. Surtout quand tu vois des Gandalf 80. Plus le 2. Non. Ah c'est le 3. Alors c'est le 1. Alors, non. C'est oui, c'est effectivement le 3. Attends, répète là. C'est le fait que les Français parviennent à concilier bonne chère et bonne santé. L'expression anglophone French Paradox renvoie au fait que malgré une alimentation pas toujours diététique, les Français sont globalement en bonne santé. Ouais. Voilà. Et nous, le trou de la sécu, on le creuse. Ouais. Mais c'est aussi encouragé par des phénomènes externes comme la couverture sociale. Ah bah oui, évidemment. Ce que je veux dire, t'as qu'à boire 3 litres de pinard et puis manger 12 calendos, à mon avis, au bout d'un moment, la sécu, elle fera pas grand-chose sur toi. Ouais. Braisé. Ouais. Du monde d'or au four avec. Ah, mais je vais être obligé de supporter ça par contre. J'ai pas l'impression qu'on bouffe autant de merde. On est mangé en fait, c'est ça. C'est qu'on a une alimentation qui est riche. On est des riches, c'est riche, mais seulement ce sont quand c'est bien fait, ce sont des bons produits. On est des gourmets. C'est tout. Des gourmetos. Des gourmetos. Natifs. Il y a des défauts dans le vin, mais quel est le plus courant? Est-ce que c'est celui. L'alcool. Du goût de résine? Est-ce que c'est le goût de bouchon ou le goût de carton? Bouchon. Un bon vin bouchonné, là, ça te fait une bonne chiasse. Ça dépend, sur les bouteilles pas chères, t'as une espèce de simili liège qui donne un goût. Voilà, ce qu'ils font maintenant, ce sont des bouchons en espèce de résine qui font rouler dans des tonneaux remplis de copeaux. Où ils se... C'est chiant, ces machins-là. Ouais, c'est déjà c'est pénible parce que c'est. Là, on fait à remettre. C'est une... Par contre, ça assure une excellente étanchéité. Bah, oui, sauf que c'est pas utilisé parce que c'est pas la tradition. Ouais. Mais aussi sur Bah là, après, il y a deux écoles. Il y a deux écoles. Les vieux bouchons, la bonne liège, ça tendance à s'effriter. Ouais, à l'intérieur, et il y a les copeaux qui tombent dans les copeaux. Il y a des copeaux. Ouais, mais ça apporte quand même. Ça te filtre un peu l'air. Ouais. Donc là, ça permet quand même un tout petit peu au vin de respirer et de se bonifier aussi. Ouais. Est-ce que vous connaissez la contenance d'un magnum de Bordeaux? Est-ce que ça fait 1 litre et demi ou 2 litres? 2 litres. 1 litre 5, c'est un magnum. C'est 1 litre 5, effectivement. Il y a Nabucodonosor, c'est combien? 5, non? Je sais pas. Je sais que Jérôme Bohème, c'est 3. Je crois que le maximum, c'est 24 ou 27. Ouais, cherchez. Ça, tout de suite. Ça c'est de la bottle quoi. Faut savoir qu'un vin vieillit mieux si plus le conteneur est grand et mieux le vin. Ah, c'est pour ça qu'ils font les tonneaux, tout ça peut-être. Les tonneaux, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose, c'est pour le. On appelle ça des foudres. On appelle ça des foudres. Ouais. C'est des grandes barriques de 2 mètres de diamètre. Qui font 1 mètre 80 de haut. 15 litres. On a eu la même idée. Je crois que j'ai on appelle ça différemment. Un Nabucodonosor. On peut pas le dire sans juste. C'est une bouteille de 75 litres. Ah oui, quand même. C'est un. Ça fait des salauds, mais on a des. Tu me l'avais rendu. Ah ouais, putain, je pensais que c'était 5 litres. T'inquiète, c'est très court. Bon, ensuite, au cours de quel mois ont généralement lieu les vendanges ? Août-septembre, septembre-octobre ou octobre-novembre ? Septembre-octobre. Août-septembre. Septembre-octobre. Bah, les tardifs, tu les as déjà fait. Voilà. Fait. Là, généralement, du fait de la floraison et tout ça, c'est mi-septembre jusqu'à mi-octobre. Ouais. Sauf pour les tardives, où justement, comme dans les régions méditerranéennes. En Alsace aussi, il faut. Oui, aussi, oui. Et puis il y a des fois, on a même les précoces qui peuvent commencer en août. Ah, les précoces. Ah, ça, les chèvres, au moins, ils s'en plaignent pas. Alors, on parlait gastronomie, on disait que... Ah, ben, ça veut dire qu'on passait à l'astronomie, là. On aimait la bonne chère. En règle générale, avec les fromages, mieux vaut ne pas servir de vin rouge, de vin blanc, de grand vin, surtout s'il est ancien. De vin blanc. Un vin ancien aussi, grand vin, je dirais. J'ai toujours vu du rouge avec du... Ouais, enfin, moi, ça m'a jamais choqué de boire... Peut-être le vin blanc, ouais. Pas de... J'ai pas de souvenir du vin blanc. Du blanc avec du fromage, ouais, ça me choque. Mais le blanc, je crois qu'il va bien avec le chèvre ou je sais pas quoi, un truc comme ça aussi. Il y a des blancs qu'on peut servir quelque avec des fromages comme ça. C'est surtout le grand vin et surtout le vin ancien. Ouais. Parce c'est que... C'est des vins qui sont fragiles et qui ont des constructions complexes. Et avec des saveurs trop fortes, comme certains fromages, on peut casser le goût du vin et justement ne plus pouvoir le savourer. Un vieux Saint-Émilion avec une boule de wasabi, là, nickel. Oh, je suis sûr qu'il y a des Chinois qui doivent le faire. Non, dans le feu au pipeau, ça y donnera du goût. Un pot de... Et tu sais que le feu au pipeau résiste à tout. Mais même... Ouais. Qu'est-ce que le cépage ? Est-ce que c'est le domaine de production d'un vin ? Est-ce que c'est l'année de production d'un vin ou la variété du raisin utilisé pour faire le vin ? C'est la variété du raisin. Exactement. Les variétos. Les Alors, question technique. Qu'est-ce que la fermentation alcoolique ? Est-ce que c'est la transformation des sucres en alcool sous l'effet des levures ? C'est Cobalt prié pour nous. Ouais. Est-ce que c'est la transformation des levures en alcool sous l'effet des sucres ? Ah oui, c'est comme ça. Ou est-ce que c'est la transformation des sucres en levure suite à une adjonction d'alcool ? Non, c'est la transformation du sucre en alcool. Sous l'effet des levures. C'est ça. Et ça débute immédiatement après le débourbage des jus. Ah, ça débourbe. C'est-à-dire que quand on fait une vendange, on coupe, on met dans les bastes. Dans les bastes, on amène au pressoir. On les met dans la dégrappeuse. On sépare le raisin des grappes de raisin. On met tout ça dans les cuves et c'est à ce moment-là qu'on fait le débourbage. Quel vin est-il souvent utile de carafer ? Attention, je parle bien de carafer, pas de déboucher en avance. La villageoise. Est-ce que ce sont les vieux millésimes, les vins jeunes ou tous les vins sans distinction ? Les vins jeunes. Et je parle de carafer. Les vins jeunes, non ? Et du coup, qu'est-ce que tu appelles carafer ? C'est mettre dans une carafe ? Ouais, ça décante. C'est l'air et ça me décante. Ouais. C'est ce que disait donc Jean-Jean tout à l'heure, plus il y a d'espace et de volume d'air autour du vin, plus les arômes se développent. Les vins jeunes peut-être ? Les jeunes, ouais. Ouais. Carafer, ça fait un peu polémique. Contact de l'oxygène accélère artificiellement le vieillissement du vin. Donc en fait, on développe tous les arômes comme ça. Qui est le saint patron des viticulteurs ? Cobal. Barnum. Non, je vais dire qu'on parle de lui. C'est pas Dionysos. Dupont-Moretti. Bacchus. Est-ce que c'est Saint-Julien ? Ouais. Est-ce que c'est Saint-Émilion ? Ou est-ce que c'est Saint-Vincent ? Saint-Pipo. Saint-Vincent. Saint-Yannick. C'est fêté le 22 janvier. Ah bah c'est moi. Ouais. C'est Saint-Vincent. Ah bah écoute, joyeux Clopipo. Voilà. Ah mais toujours joyeux Clopipo. Toujours joyeux Clopipo. Ensuite, quelle est la contenance d'un Mathusalem de champagne ? Oula. C'est vieux ça! Est-ce que c'est 3 litres? Est-ce que c'est 4 litres et demi ou 6 litres? En fait, 4 litres et demi, je crois. Réponse à Podren. J'ai pas entendu. Coming soon and Podren. 6 litres. 4 et demi. Mais j'ai 4 et demi aussi. J'ai le deuxième, plutôt 6. C'est 6 litres, effectivement. Avec quelle partie de la bouche perçoit-on les arômes? La bite. Allez. La bite. Est-ce que c'est la paroi apico-alvéolaire? Est-ce que c'est la paroi rétronasale? Ou est-ce que c'est la paroi alvéo-palatale? La suite après la alvéo-palatale. Bienvenue dans alvéodocteur.fr. On passe aux questions des auditeurs. Non, c'est la paroi rétronasale, c'est la zone buccale qui est reliée au nez. C'est pour ça que quand tu vois ton ventre, tu aspires un peu et tu le fais rouler dessus. Ensuite, dans quel ordre vaut-il mieux généralement servir les vins? Alors, du meilleur grand. Du meilleur de quoi? Ça dépend qui est autour de la table. Ouais. Le costaud d'abord. À celui, d'abord à celui qui est le plus toi. Est-ce qu'on sert crescendo, donc les vins jeunes, avant les plus vieux et du plus léger au plus tannique? Est-ce que c'est constant? Servir les vins d'âge voisin et de complexité égale durant le repas? Ou décrescendo, servir les meilleurs vins et ensuite tomber sur des piquettes? Des piquettes. Ou faire un mélange? Ouais, les syndromes Heineken, quoi, c'est le truc que tu bois un peu sur le parce que t'as le palais, comme tu disais, le palais, c'est pas constant, c'est pas le palais immunisé, sans avoir de variation. Ouais, constant. C'est peut-être le mieux, sinon le troisième, les vins plus jeunes en premier. Ah non, les vins vieux en premier. Ouais, les vins vieux en premier, ils ont plus de... Les vins peut-être les plus puissants. Ils ont moins de corps, ils ont moins de... Non, on sert toujours les plus jeunes en premier. Ah ouais? Ah ouais. C'est dégueulasse, du coup. C'est surtout que les vins vieillissent, ils deviennent plus puissants, donc on a plus de facilité à passer du vin jeune à un vin plus complexe. On ressent beaucoup plus les arômes. À moins que tu tombes sur un vin jeune qui te pourrisse le palais d'entrée. Moi je passe toujours au Beaujolais. Ouais, je passe toujours au Beaujolais, au vin nouveau. Donc là, tu peux commencer effectivement par un villageoise et finir sur un Saint-Émilion. Oui. Quand tu veux avoir une bonne chiasse, un petit vin nouveau, hop là. T'adores ça, toi, la chiasse. Ça, ouais, c'est... Bah, à ton avis, d'où est-ce que ça vient? Ensuite, lorsqu'il s'agit de la température de service d'un vin... Je ne fais jamais Gandalf de la même façon. Des anneaux. Vous, t'énerves pas, Gandalf, tu vas encore te faire dessus. Il est vieux, en plus, lui. Ah oui, c'est vrai. C'est la continence. Pourquoi tu crois qu'il est gris? Et à force de sortir sa soutane, là Après, il est blanc. Je pense qu'il s'est lavé. Lorsqu'il s'agit de la température de service d'un vin, le froid a tendance à... Est-ce que ça inhibe les arômes? Est-ce que ça fait ressortir l'amertume? Ou est-ce que ça exhale l'alcool? Ça inhibe les arômes. Ça fait tomber les dépôts au fond de la bouteille. Le vin est beaucoup plus resserré, mais il fait froid, je crois. Non, ça fait ressortir l'amertume. Ah. Le froid a tendance à faire ressortir l'amertume et à durcir les tanins. Les tétons aussi. Tandis que le chaud inhibe les arômes et exhale l'alcool. Ah, les tétons. Et ça fait, accessoirement, ça fait suer. Celle-là, cette question-là, non, elle me plaît pas, finalement, parce qu'il n'y a aucun intérêt. Si ça te plaît pas, ça nous amuse. Alors, un procédé qui permet de préserver... On va dire la plus grosse connerie possible. Je suis énervé. Non, tu peux y aller. A priori, c'est oui, non. Non, parce que je vois pas trop l'intérêt de ce faire. Qu'est-ce que le mutage? Ah, à part dans le podcast où il y a certaines gueules qui permettent de se fermer. Est-ce que c'est un procédé qui permet de préserver une certaine quantité de sucre dans le vin en stoppant la fermentation? Est-ce que c'est la transformation du sucre en alcool au moment de la macération? Ou est-ce que c'est un procédé qui consiste à verser du sucre dans le vin après vinification afin d'en faire un vin doux? Je sais pas, je vais écouter. Du coup, ça change le type de vin, donc... Le premier, moi. Mutage. C'est mutant. Non, c'est la première réponse. C'est un procédé qui permet de préserver une certaine quantité de sucre dans le vin en stoppant la fermentation. D'accord, c'était une question débile, c'était intéressant. Non. Ouais. Bon, personne s'en souvient là maintenant. Ça t'a intrigué. Merde. Depuis quelle année le titre d'œnologue est-il reconnu par la loi française? Et proctologue. 1962, 1951 ou 1955? Moi, j'aurais dit 80 et quelques. Moi, je dis 51 si parce que 51. Pastis Forever. Alors, ça, c'est Japan. Japan. D'amour enchaîné. Japan. La dernière. 1955. Ouais, il est décerné à une personne qui possède la science du vin. De la fabrication à la conservation. En fait, c'est full metal. C'est vraiment un panel très complet. Full metal vinifict. Et là encore, on et dit toi, de la fabrication à conservation. De on dit fabrication à conservation, mais il faut savoir qu'à côté de ça, il y a quand même des cultures, des connaissances à acquérir en chimie, en biologie, Ah, mais complètement, en travail de la terre. C'est, C'est quand même si assez tu veux voler du cuivre, tu peux boire du vin bio. Le cursus est quand même assez long. Parmi les différents processus d'élaboration des vins effervescents, il existe la méthode dite rurale, et qui n'est pas normale. Quelle est sa particularité? Salut. Salut à toi. Moi je connais la méthode d'artiste. C'est fait avec les pieds. Et c'est roulé sous les aisselles. Ouais. Est-ce qu'on utilise le sucre naturel restant de la première fermentation? Je crois que c'est ça. Ouais. Est-ce qu'on provoque une deuxième fermentation en ajoutant une liqueur de tirage? Ouais. Ou est-ce qu'on ajoute du gaz carbonique directement dans la cuve? Peut-être le gaz. Le 3, ouais. Ouais, le deuxième. Moi, je pense que c'est le 1, je crois. Non. Le fait de rajouter du gaz carbonique, je crois que ça se fait dans un breuvage. Oui, ouais, mais ça tu peux le faire, mais après t'as les méthodes ancestrales, tout ça, c'est pas les mêmes. Oui, ouais, ça fait pire. Ça fait pas trop ancestral, du coup. Je voudrais bien la deuxième. Ça serait la liqueur. À Gaillac, c'est la méthode ancestrale. Non, c'est la première. On utilise le sucre naturel restant de la première fermentation. Je crois que c'est ça la méthode ancestrale à Gaillac, je crois. Et on est déjà arrivé au bout, la dernière question. Quelle appellation se cache derrière le sigle AOVDQS? Alors, appellation d'origine. Et là, juste pour la fin, je vais vous laisser chercher. Donc, appellation d'origine. AOVDQS. Pour AO. AOVDQS. Tu me donnes une appellation d'origine. Appellation d'origine. Vérifier. Un poquito des copypos. C'est quoi, DBS? AOVDQS. Vous avez AO. De culture. Ah, vin de qualité supérieure. Appellation d'origine, vin. De qualité supérieure. Non. De culture. Comme un genre de qualité supérieure. Il y a bien de qualité supérieure, mais il manque un mot entre vin et de qualité supérieure. C'est bien biologique. Là, si vous me le trouvez. Membrane. Non. AOV. Français. D. De qualité supérieure. Bio. D. Ça commence par un D. Dénominatif. Non. Démembré. Départemental. Décalcolina. Digital. Un vin digital. Tu comprends, on est où là dans tes lettres? Appellation, origine, vin. Qualité supérieure. Qualité supérieure. Appellation, d'origine, drontolée. Originelle. Pensez un petit peu à ce qu'on. Dragon Ball. Sur les AOP ou les IGP ou. On circonscrit une zone. Démographique. Non. Mais on est sur des. Départemental. Non. Non, ce département, c'est un peu bizarre. Hein. Du coup, tu veux le nom d'une zone Non. Le D, en fait. Une domine. Oui, c'est une commune, mais avec un déticole, genre. Domine. Non, c'est plus. C'est plus l'action de marquer des bornes. De délimité. Marquer, voilà. C'est l'appellation d'origine vin délimitée de qualité supérieure. Il n'y a pas d'exemple dont tout le monde se branle et qui est juste là pour faire travailler des gens et qui ne comprennent rien. Ah ouais, c'est ça, d'accord. Comme la culture biologique. Comme tous ces gens qui veulent te chercher, venir te chercher du vin en tirage pour faire des analyses qui n'apportent rien, si ce n'est avoir cette appellation, tu dois payer. Te faire payer un tout petit peu plus pour juste déclarer que ton vin. Ça m'étonne pas ce genre de truc. D'où le culture biologique non certifiée sur le clopipo. Voilà, non certifiée parce qu'on ne veut pas payer des gens qui sont des fumistes. Fumistes. Voilà. Les enculés, enculés. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Bah, bravo. Je fape. Oui, faire le plus loin. Écoutez, ce fut un épisode fort court pour le coup. Ouais, on en a combien? Une petite heure et quart. Ah oui, oui. En fait, qu'on a commencé tellement tard que j'ai l'impression que c'est déjà. On est revenu un peu aux bases de la durée. Ah, ça veut dire qu'il risque de battre l'épisode qu'il est plus écouté. On va enregistrer l'épisode pilote. Mais on va, ça nous empêchera pas de nous quitter sur une petite musique. On va mettre du progressif qu'on s'offre à 3h. Et bien, c'est un peu du. Enfin, c'est. Ouais, c'est. Ouais. Hein ouais, voilà. Bada bada bada. C'est compris. Jingle bada bada bada. En ce temps-là, Jésus dit à Matthieu, descend du train et gonfle les pneus. Je me pêche. Et maintenant, chantons. Bien sûr, comme c'est moi qui choisis la musique, eh ben c'est un truc japonais. Quelle surprise, quelle révélation. Et là, quelqu'un sort du placard. Il s'agit donc du morceau You May Crawl du groupe School Food Punishment sur l'album Airfield Cool Swim. Et on se dit bah, au mois prochain. C'est pas mal. Salut, chats. Thank you. まぐれ回転不意に消えるような浮遊感